Erin et Casey à la Manopi. On n'a pas besoin d'introduction, on n'est pas spectaculaire. Si on n'a pas de notre nom, puis cherche-nous pas dans la nuit. Ça nous attend pendant 3 minutes. Concentre-toi sur le vocabulaire. Son nom c'était Christian B. Blanche, 15 ans, avait envie d'un bébé. Les blancs pour elle étaient ok. C'est les noirs qui piquaient sa curiosité, c'était une usité. Habitait un beau quartier, papa le BMW. Allait à l'école, un collège privé. Ses parents étaient un peu racistes. Pis elle sans préjudice attendait les fins de semaine pour se mettre belle, sortir, rencontrer son petit ami Samuel. Tu vois, elle aimait les noirs, pas juste un noir. Christian B, grison hardcore, allait débuter son cauchemar. Christian B, grison hardcore, a débuté son cauchemar. Christiane a passé toute la gang, personne la respecte. Monde la néglecte, comme dirait le bolette, t'es obsolète. Mais notre Christiane B veut changer, stabiliser sa vie avec Billy. Avoir un bébé, arrête de fumer, ton massin pas marié. Ses parents veulent qu'elle se fasse avorter, mais Christiane B est décidée. Avoir le bébé noir de Billy. Ses parents la mettent dehors, se trouvent un appart, quartier nord. Touche le bien-être social, change de classe sociale, lâche l'école, devient presque folle. Donne naissance en novembre, un beau petit métis qu'elle appelle Alexandre. Et Billy la laisse tomber comme la neige en décembre. Allô? Yo, je t'ai dit d'arrêter de call ici, man. Yo, mon père capote, man. Yo, arrête, man. Yo, je t'ai dit, j'en voulais pas de bébé, fais un jam, man. Yo, yo, vas-y, vas-y, laisse-moi tranquille. C'est ma vie. Alexandre a 3 mois, Christian panique, recommence à fumer, sa famille le renie. Ses amis aussi, rencontre du nouveau monde mais rien réussi. C'est bête, s'achète une petite TV pour passer le temps des fêtes. Pleure, ça rappelle le souvenir d'un jour meilleur. Fume du weed, rêve d'être ailleurs. Là, Alex pleure, alors garde, réalise pour la première fois. Son bébé est noir, vraiment noir. Les cheveux frisés, bouclés, les yeux noirs, sans parents noirs. Quel genre d'éducation Alexandre va-t-il avoir? Il parlera pas créole, adressera pas ses cheveux. Il va haïr les noirs car pour lui, son père va l'avoir laissé dans le noir. Il est pas chanceux. Là, Alexandre, il a 5 ans, c'est un bâtard. Condamné à chercher toute sa vie, sans jamais savoir que c'est la mère qui adore, qui a créé son sort en voulant avoir un enfant avec un noir. Juste pour le fun, juste pour voir. Oh, sont cute les enfants mélangés, mais il faut savoir qu'un enfant sans ses parents, ses héritages d'un bâtard. Condamné à chercher toute sa vie sans savoir. Quand même si t'es métisse, les racistes ou les blancs vont toujours te voir comme un noir. Au refuck, fucking voir. Prometa! Здравствуйте, как вы живете? Меня зовут Кейси, я приехал из Канады. Я не знаю русский, но я постараюсь сказать несколько слов. Да? Да. Я бы отсюда даст России деньги и много вещей. Но я могу повторить вам только мою любовь. До свидания. Это для молодежи.